Si ça part en guerre, je pourrais prendre une balle pour toi. Ne calcule pas les autres, tu peux compter sur moi. Pour que tu sois meilleur, je pourrais faire le pire. Je serai ton pare-balles si demain ça tire. Si ça part en guerre, je pourrais prendre une balle pour toi. Ne calcule pas les autres, tu peux compter sur moi. Pour que tu sois meilleur, je pourrais faire le pire. Je serai ton pare-balles si demain ça tire. Je vais rentrer dans ta ville, balayer ses novices. Je te connaissais par cœur, même sans lire la notice. Tu te sentais incompris, un peu comme un autiste. Nos voix doivent s'accorder, un peu comme des choristes. Je sais quand je dois la boucler, quand je dois te parler. Je sais quand je dois te booster ou que je dois te calmer. Je sais aussi quand t'as besoin que je t'agace, que je t'agace. Quand t'as besoin que je sois une sainte ou que je sois une vraie garce. Je garde mon sang-froid quand c'est chaud. Je te dis mes vérités quand t'as faux. En toi et moi c'est comme le magma. C'est la fusion qui va nous rendre l'adma. Si ça part en guerre, je pourrais prendre une balle pour toi. Je calcule pas les autres, tu peux compter sur moi. Pour que tu sois meilleur, je pourrais faire le pire. Je serai ton pare-balles si demain ça tire. Si ça part en guerre, je pourrais prendre une balle pour toi. Ne calcule pas les autres, tu peux compter sur moi. Pour que tu sois meilleur, je pourrais faire le pire. Serais ton pare-balles si demain ça tire. Tu sais, y avait Bonnie qui avait trouvé son Clyde. Tout le monde sait que Imen a bien trouvé son stage. Fais pas le mec visible, celui qui a pas mon time. Ce soir laisse ton bigo, je vais te prendre en otage. Des fois je te vois douter, donc je peux plus te goûter. Ils nous regardent en lousté, on peut pas se louper. Trop d'envieux ici, dans les parages. Vas-y viens au point jet, on s'arrache, on s'arrache. Je garde mon sang-froid quand c'est chaud. Je te dis mes vérités quand t'as faux. En toi et moi c'est comme le magma. C'est la fusion qui va nous rendre l'adma. Si ça part en guerre, je pourrais prendre une balle pour toi. Ne calcule pas les autres, tu peux compter sur moi. Pour que tu sois meilleur, je pourrais faire le pire. Je serai ton pare-balles si demain ça tire. Si ça part en guerre, je pourrais prendre une balle pour toi. Ne calcule pas les autres.